bato komi na parcours du combattant saka do na mokongo rangers na moto alors oya kokoka ke atikali Estelle ya mpenze pesa Marie Mbosi meme de mercure voilà Gisèle Angua Bolo Gaston Arnon Gangazami Dani Ondong, Dani Devachel, Dani Vachel, la famille Kodjo. Tonton Sila les beaux garçons, la tolérance. Il n'est un combo. Boy, me mette na kwea kokufa e. Yando salimo kote mwaya mbapa sina mako tia eme. Soke boy, ngana kokufa e. Olala gile boy, soke boy, ngana kokufa. My long mo pila jet pedal. Cardinal Freddy Laguna. A changé mon souhait, et je fais mon combo. A changé mon souhait. Bandoukou ya pendi, moumoua, papa, mama. Alobana, matye, c'est que c'est un abako, pesa yo. Toyokana, kabo, yete, ma boli, moyo, moana, mama, ye. Le tcheke, basé. Sachez la grand mécano. Aimé Doumani, Ngo, Sada Misen Ngo. La banga dama bana kata nga balingo na yana bana bana bogo. Pesa nga balingo mikolo mikoleka. Na goma logora motu apela zira. Et Anissé le cameraman, Master Pedro. Baba papa na zapata mama mama mama mama mama mama tika ngonya ya tika ngonya ya tika mama la ya kala kala mama no oya dukulula mange dukulula mange dukulula mama mama mama mama usenge Michelle na la douane usenge Larissa ngenge Pauline Maman Louise, un ami Kaloudé, Reine Flairville, Harry et Zuma, Mote Pelatoujou. Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Yaya Doma, Ya Fredin Pont Armand. Comme moi qui toque la maison, mais qui t'aime à ma mère, pas de désert et les gawa. La commande à ma peau, pour l'on a barré de la foule. Presse de la gière, presse colte. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Maman au qui va m'avoir. Maman a bien voulu que tu appelles. Où l'âme se fait. Hey, y'a bisou y'a moué de. Allez, allez. À qui la sagesse a donné raison à tous les Congolais, à tous les Brazzavis. Le fils est ma chacune. Modeste Emar, Eda, Petit Frel, Adam Matuda.